Vendredi 3 février, bienvenue à l'émission Les Différences sur les ondes de CKRL 89.1. Mélanie Florent avec vous jusqu'à 10h. Ce matin, le sujet, quand on parle de pauvreté, la première idée qui vient en tête, l'image, c'est l'image de quelqu'un qui est sur l'aide sociale. Comme si, par exemple, un travailleur pouvait ne pas vivre cette situation-là. Les mythes, les préjugés qui entourent la pauvreté, ben, ils sont nombreux. Ils sont nombreux et c'est de ça ce matin qu'on va parler avec mes invités. J'ai comme invité Serge Petitclerc, analyste politique et porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. J'ai Christian Louprêt de l'Association pour la défense des droits sociaux du Québec métropolitain, l'ADDSQM, si je me trompe pas, et Monique Toutant, qui est une militante aussi. Tout d'abord, ben merci d'avoir accepté de venir à l'émission ce matin. Et en commençant, vous, vous côtoyez, ou vous le vivez, ou vous le côtoyez, vous êtes sur le terrain et... Parce qu'on parle de pauvreté, c'est pratiquement immanquable, les préjugés, ben, il y en a. Le premier qui me vient en tête, c'est qu'ils sont tous sur l'aide sociale, comme j'ai dit un peu plus tôt. Est-ce que c'est encore d'actualité où il y a de plus en plus de travailleurs dans cette situation-là? Ben, si on regarde un peu les statistiques, en fait, c'est plutôt erroné. J'ai l'image qu'on a souvent dans la... Exemple, dans les journaux, par exemple, tu sais, quand on parle de pauvreté, on voit toujours l'image d'un itinérant sur un banc de parc ou dans une bouche de métro. Mais la réalité, c'est que au Québec, il y a autour de 420, 430 000 personnes qui sont à l'aide sociale. Mais quand on parle de pauvreté de façon très large, là, c'est plus d'un million de personnes au Québec. Alors là-dessus, ça c'est veut énorme. Dire qu'il y en a plus de la moitié qui sont des travailleurs à faible revenu ou des travailleuses, des personnes retraitées qui dépendent des régimes publics, des gens qui sont accidentés du travail, ça peut être des gens qui sont sur le chômage. Ce sont majoritairement, évidemment, des femmes, des personnes qui vivent seules, des familles monoparentales. Donc, c'est très diversifié, la pauvreté. C'est pas juste... des personnes d'assistés sociales, mais c'est évident que parmi... C'est une tranche. C'est une tranche, mais c'est la tranche, évidemment, la plus affectée par la pauvreté, parce que on peut parler de la quantité de personnes, mais on pourrait parler aussi de l'intensité de cette pauvreté-là. Meilleur exemple étant les personnes, évidemment, on peut penser aux personnes itinérantes, qui peuvent se retrouver même carrément sans chèque, mais parmi les personnes d'assistés sociales, il y a différents types de catégories, une chose avec laquelle on a bien de la misère, là. Mes collègues pourraient en parler mieux que moi, mais en fait, il y a des gens qui se retrouvent avec, des fois, à peine la moitié de ce qui serait nécessaire pour pouvoir couvrir leurs besoins de base, c'est-à-dire de se loger, de se nourrir, de se vêtir, de s'habiller. Alors, c'est un mythe, effectivement, que la pauvreté, ça se limite aux gens qui sont sans emploi et aux gens qui sont à l'aide sociale. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voyez, vous, de votre côté, la réalité, en fait, vous côtoyez? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Serge vient d'émettre. Oui, la pauvreté, il y a des personnes à l'aide sociale, mais il y a aussi les travailleurs et les travailleuses à faible revenu qui n'arrivent pas à cause de, justement, du salaire qui est pas assez élevé. Moi, je le vois. Même si je suis une personne à l'aide sociale, je le vois autour de moi qu'il y a des personnes qui travaillent puis qui n'arrivent pas, justement. Oui. Je lisais, il y a beaucoup de gens, même au salaire minimum, qui des fois, qui ont besoin d'avoir deux travails là, pour arriver, au moins pour pas être dans le rouge. Avec l'aide sociale, c'est, si je ne me trompe pas, les chiffres, c'est 628 par mois pour une personne seule. Oui. Un salaire minimum à 10,75, bientôt 11,25, c'est au mois de mai, si je me trompe pas. Oui, le 1er mai. Comment on fait quand on sait que le coût moyen d'un loyer à Québec, là, si je me fie selon la SCHL, qui serait de 781 par mois à Québec? Comment on fait? OK. Les personnes qui sont sur l'aide sociale et qui n'ont pas de logement... Approche-toi. Approchez-vous du micro. Qui n'ont pas de logement subventionné, c'est sûr qu'il y en arrache. Ça n'a jamais été aussi dur qu'en 2017 de vivre sur l'aide sociale. Je me suis emmené des chiffres un matin. Quand l'aide sociale a commencé en Le premier chèque a sorti en novembre 1970. J'ai pris des chiffres sur le site du ministère, donc ils doivent être corrects. Mm-hmm. C'était 166 $. J'étais sur la Banque du Canada, puis je l'ai mis en dollars constants. Ça donne 1048 $. Mm-hmm. Puis tu viens de le dire, c'est 628 aujourd'hui. Donc, ça a comme aucun sens à quelque part. Ouais. Puis les prestations, les gains de travail sont restés pareils, quand on a le droit de gagner, sont restés pareils depuis 89. Les avoirs liquides permis sont restés pareils. Il n'y a absolument rien qui a bougé. Puis les coûts, le coût quand on veut acheter, parce que là, on parle que l'alimentation, ça va augmenter cette année, par exemple. Si on regarde les CPE, quand on est chanceux, parce que là, on parle aussi des travailleurs qui vivent la pauvreté là ce matin. Ceux que on regarde les CPE à 7,55 par exemple par jour, parce que c'est plus rendu, c'est plus 7 $. Faut être chanceux déjà là quand on trouve une CPE. L'hydro qui est censé augmenter, qui arrête pas d'augmenter à chaque année ou à peu près. Je regarde déjà qu'on entend que les banques alimentaires sont vides, puis mm-hmm. le panier d'épicerie augmente par mm-hmm. exemple. Si on reste dans les frais là de base là, se loger, se nourrir. Avoir de l'électricité. Ici, au Québec, on ne peut pas vivre sans chauffage. Là. Ça serait quand même bien qu'on ait du chauffage au moins l'hiver. Qu'est-ce que vous pensez qui va s'en venir? Si on prend, par exemple, les banques alimentaires qui disent qu'ils sont déjà vides, qu'est-ce qui va arriver avec ça si de plus en plus de gens vont vivre la pauvreté? Ben, ils ne fourniront plus parce qu'ils ne seront plus capables. Ils n'auront plus assez de denrées pour subvenir à tous ces besoins-là. Puis déjà là, ils sont en crise parce qu'ils n'arrivent pas à aider tout le monde. Souvent, ils vont aider plus les familles que les personnes seules mm-hmm. parce que, c'est normal, mais si on regarde une famille qui en a besoin, puis que... ils n'arrivent pas à donner la quantité nécessaire pour la fin du mois. C'est pas le fun, là. Oui, puis ce que tu demandais tantôt, c'était aussi comment les gens font. Ce qui arrive, c'est que les gens, que ce soit à l'aide sociale ou des bas salaires ou des retraités, en fait, ce que les gens font en premier, généralement, c'est qu'ils payent leur loyer. Oui. Parce que tu as besoin d'un loyer pour vivre. Mm-hmm. Les gens payent leur électricité parce qu'ils veulent pas se faire débrancher. Ils payent leur téléphone. Ils payent leur câble. Ils payent leurs assurances quand ils sont capables d'en avoir. Et puis ensuite, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qui reste. Mm-hmm. Moisson Québec, entre autres. Les banques alimentaires Québec qui regroupent tous les Moissons Québec, ils disent qu'à peu près une personne sur 10 au Québec qui vont dans les banques alimentaires, qui sont des travailleurs ou des travailleuses, et dans la région de Québec, c'est 25 %. Pourtant, on pourrait se dire Québec, c'est une ville de plein emploi. C'est effectivement une des villes où le taux d'assistance sociale est plus bas. Oui, même on voit souvent des sorties dans les médias, quoi que le taux de chômage est le plus bas. Mais la question, c'est que sortir de l'aide sociale, ça ne veut pas dire sortir de la pauvreté. Non. Ça veut dire que les gens occupent des emplois à bas salaire, des emplois peut-être précaires, ce qui fait que oui, effectivement, ils payent le loyer, puis ensuite, ils vont dans les banques alimentaires. Et la conséquence de ça, on dit comment les gens se débrouillent, ben ils hypothèquent leur santé. Mm-hmm. C'est ça qui arrive. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, vous me direz là, si je suis complètement dans le champ, puis je suis là pour poser des questions parce que je veux comprendre aussi. Quand on parle de taux de chômage... On parle du taux de chômage, on parle pas des gens qui sont sur l'aide sociale avec le quand on parle du taux le plus bas. On n'inclut pas ces gens-là. Ben, on parle juste de ceux qui sont dans leurs 6 mois à 1 an de prestations de chômage. Ben, je trouve un peu comment ça fonctionne. C'est plus complexe. Ben, je pose la question parce que c'est quand même une question qu'on se pose par rapport à ça. Est-ce que c'est seulement ceux qui sont sur le chômage ou... Non, c'est ceux qui cherchent de l'emploi. Les chercheurs d'emploi. La question, mettons, les firmes de sondage appellent, là, puis la question, c'est de savoir si, mettons, c'est dans la dernière semaine, dans le dernier mois, si on fait de la recherche d'emploi. Donc, si la personne n'en fait pas parce qu'elle est comme épuisée, bien, elle est comme découragée, bien, elle dit non, j'en cherche plus, bien, elle n'est pas considérée dans le chiffre du chômage. Mm-hmm. À quelque part, comme c'est fait partout pareil au Canada, bien, bon, ça finit par donner des chiffres qui peuvent se valoir aussi. Les chiffres, est-ce qu'ils sont... Mais il y a plus de monde qui ne travaille pas que ça, c'est sûr. Il y en a plus que ça. Ouais. Hein? Ben c'est ça, c'est parce qu'il faut. On a souvent tendance à penser que le taux de chômage, c'est effectivement le nombre de personnes qui reçoivent un chèque d'assurance chômage. Ben c'est pour ça que j'aime préciser, parce qu'il y a un mythe là-dessus. Il y a vraiment, on dirait qu'il y a une fausse croyance là-dessus sur le fait que c'est seulement des gens qui sont sur le chômage. Non, une personne à cité sociale qui se cherche un emploi, c'est considéré comme une personne qui est en chômage. C'est pour ça qu'il faut, quand on regarde ces affaires-là, il faut regarder à la fois le taux de chômage, le taux d'assistance sociale, le niveau de ce qu'on appelle le taux d'activité, c'est-à-dire des gens qui sont sur le marché du travail, et les inactifs, je mets des gros guillemets, dans le fond, c'est des gens qui sont à la retraite, qui sont aux études, les enfants. Mais en fait, l'idée de tout ça, c'est que souvent, c'est aussi lié. C'est-à-dire que quand les taux de chômage sont bas, sont plus bas, souvent aussi le taux d'assistance sociale est plus bas. C'est à cause qu'il y a un lien entre les deux quand même, malgré tout. Il y a un autre mythe relié à l'emploi qui dit que les gens qui sont dans la pauvreté sont pas diplômés, qu'il n'y a pas de diplôme. Il y en a, mais c'est pas tout. Il y en a, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. D'après moi, en tout cas selon moi, puis selon ce que je vois puis ce que j'entends, il y a certaines personnes, oui, qui sont à l'aide sociale, qui n'ont peut-être pas un secondaire 5, mais quand même qui sont débrouillards, très débrouillards, puis qui sont capables de quand même faire des choses malgré qu'ils n'ont pas un secondaire 5. D'après moi, oui, il y en a, mais c'est pas tout le monde. Je prendrais la question sur un angle différent. Moi, les personnes qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ont souvent des questions par rapport à l'aide sociale. Juste dernièrement, la personne, elle est boursière de l'Université Laval, elle est infirmière, puis elle a une maîtrise en sciences politiques aussi. Mm-hmm. Puis la complexité de l'aide sociale, elle me dit tout ça. C'est un accident de vélo qu'elle a eu qui a fait qu'elle s'est ramassée sur l'aide sociale. J'ai un monsieur qui avait un doctorat de philosophie de la Sorbonne. Il y a toutes sortes de monde qui tombe sur l'aide sociale. Oui, puis c'est de ça aussi. C'est la vie, il y a toutes sortes d'aléas là-dedans qu'on se pose. C'est ça, ce qu'on appelle avoir une bad luck, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Là. Exactement. C'est ce que je veux démontrer aussi ce matin. Ce qui est vrai aussi, c'est d'ailleurs, c'était un des éléments de critique envers tout ce qui s'est passé dans la dernière année autour du programme Objectif Emploi. Mm-hmm. Ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que oui, c'est vrai, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent avoir de très bons diplômes et qui se retrouvent à l'aide sociale pour toutes sortes de raisons. Mais il en demeure pour moi que la majorité des personnes à cité sociale, ce sont des gens qui ont pas de diplôme ou qui ont à peine un diplôme de secondaire 5. Et ça explique en partie pourquoi ces gens-là ont plus de difficultés à se trouver un emploi. Puis ça ramène à un préjugé encore plus profond, qui est que les gens veulent pas travailler. Que les gens qui sont pauvres, ils sont pauvres parce que c'est de leur faute, parce qu'ils veulent pas. Puis là, c'est autant envers une personne de la cité sociale. Pas plus tard que la semaine dernière, il est sorti un article sur la question du salaire minimum où on présentait le témoignage d'une personne qu'on connaît tous, je ne nommerai pas. Mais quand on lisait ensuite les commentaires sur l'article de journal, ce que j'ai lu, entre autres, des gens disent « Ah, c'est pas normal, un gars de cet âge-là, il devrait avoir une meilleure job. » Ouais, mais c'est pas connaître, puis c'est pas savoir. Qu'est-ce que les gens savent de la vie de cette personne-là? Est-ce qu'elles savent que c'est quoi son diplôme? C'est quoi sa capacité à lire et écrire? C'est quoi son vécu? Est-ce que c'est une personne qui vit seule ou qui vit pas seule? Les gens le savent pas. Ouais. Et ils jugent la personne en se disant, ben on sait bien, les gens qui sont sous l'assurance chômage, les gens qui sont sous l'aide sociale, les gens qui sont au salaire minimum, dans le fond, c'est des paresseux. Mm-hmm. On a l'image des bougons, là, quasiment. Exactement, puis les bougons, c'est des criminels. Puis moi, je le dis souvent, puis je vais le répéter aujourd'hui, tant que tu connais pas le vécu de la personne ou le parcours de la personne, tu peux pas la juger. Tu sais pas où ce qu'elle est aujourd'hui, cette personne-là. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu dans le passé ou qu'est-ce qui a pu lui arriver qui fait qu'aujourd'hui, cette personne-là est une personne à cité sociale, par exemple. Mm-hmm. Monsieur Loupré, vous, quand je vous ai parlé en pré-entrevue, vous m'aviez dit, il y en a qui avaient des maisons. Puis je pense que les trois, vous allez pouvoir ajouter là-dessus. La personne qui a qu'elle soit en couple ou non, mais qui s'est acheté une maison pendant qu'elle travaillait, qu'est-ce qui arrive quand elle tombe sur l'aide sociale? La personne a le droit d'avoir une maison. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est à l'évaluation foncière de 2008, les prix des maisons ont comme doublé. Puis les personnes avaient le droit d'avoir une maison d'une valeur de 90 000 $ ou 130 000, dépendant si on avait des contraintes à l'emploi ou pas. À partir de ce moment-là, ceux qui avaient une maison depuis 20-25 ans, la maison était payée. Donc, à partir de ce moment-là, mettons la maison de 80 000 piastres qui est passée à 140 000, ben 60 000 piastres, 2 % c'est 1200 piastres, il n'y a plus le droit à l'aide. C'est la façon qu'il calcule pour enlever l'argent. Bon, il n'y a plus le droit à l'aide sociale. Donc là, il perd sa maison. Comment dire, faut qu'il la vende. Faut qu'il vive. Avec l'argent, il va vivre une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Après ça, puis vivre en logement coûte plus cher qu'avoir une maison quand il peut être payé. Qui est payé. Donc, ça n'a comme aucun sens. Ils l'ont comme compris. Donc, ils ont fait un moratoire. Comme quoi qu'on s'occupe plus de la valeur des maisons. OK. Puis, en juillet 2015, ils ont levé le moratoire. Donc, ils ont augmenté la valeur des maisons permises. Présentement, en 2017, c'est environ 155 000 pour une personne qui a pas de contrainte à l'emploi. Là, il y en a encore qui perdaient leur maison. Ça avait comme pas de sens. Donc, le ministère, il a décidé pendant un an qu'il s'occupait pas de la valeur des maisons. Mais là, l'année est finie. Puis, il y en a qui ont commencé à perdre leur maison. C'est ça l'héritage qu'ils pouvaient laisser aussi, là. Ça a comme pas de sens. Maintenant, j'en parlais à un attaché politique au Parti libéral. Puis elle a dit, je peux pas croire qu'on est rendu là au Québec, là. Parce que c'est pourquoi que je parle de justement des maisons, tout ça, c'est parce que, comme vous avez dit, Madame Toutant, on connaît pas l'histoire de la personne quand elle est sur l'aide sociale, tout ça. Puis quand la personne a travaillé toute sa vie pour la maison, qu'elle arrive avec, admettons, une coupure de poste, peu importe le hic qui est arrivé dans sa vie, à un moment donné, elle se retrouve sans capital, sans rien, là. Elle a plus rien, là, à un moment donné, puis... C'est là qu'elle a fini, quoi, dans un 3,5? Qu'est-ce que vous voyez? La maison qu'elle a payée en 90, 30 000 piastres, elle en vaut 170 aujourd'hui, là. 1000. Non, c'est... Mais c'est elle a comme pas affaire à ça, là. Non. C'est, bon, puis ça lui coûte pas cher, reste là-dedans, puis elle peut quand même s'en sortir, puis laisser quelque chose aux enfants. Là, ça a aucun sens. Fait que le principe... Ça a aucun sens. Non, ça a pas de sens. Puis ce qui est un peu choquant puis stupide là-dedans aussi, c'est que dans la littérature, quand tu t'intéresses justement à la lutte à la pauvreté, ce que beaucoup de chercheurs disent, c'est que justement, une des façons que les gens peuvent rebondir dans la vie, c'est d'avoir des actifs. Un actif, oui, effectivement, ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut d'avoir un peu d'argent en banque. Et ça te permet de en tout cas, ça facilite le fait de rebondir, peut-être éventuellement de retourner sur le marché du travail. Mais quand tu prives une personne de l'ensemble de ses actifs, parce qu'il faut comprendre, c'est que pour rêver à l'aide sociale, là, il faut vraiment que tu aies épuisé tout, hein. C'est le dernier recours. Ben, c'est ça qu'on oublie. Ben, il faut que tu aies vidé ton compte de banque. Ça, c'est pas un mode de vie, là. C'est un dernier recours. Non. Ben non, c'est ça. Il faut que tu aies vidé ton compte de banque. Ça, c'est un autre mythe autour de ça. Le fait que c'est un mode de vie. C'est un des plus gros mythes, là, je pense, qui est véhiculé par rapport à l'aide sociale. Ben, c'est pas un mode de vie. C'est une conséquence d'une perte d'emploi. C'est une conséquence souvent d'une séparation, d'une dépression. Quand tu arrives au moment où tu déposes ta demande d'aide sociale, là, c'est que généralement, ça va déjà assez mal depuis assez longtemps. Ouais. Alors, les gens sont pour... Ils choisissent pas d'aller à l'aide sociale. C'est une conséquence d'une bad luck ou d'une situation qui a dégénéré. On l'entend des fois, des gens qui se retrouvent à l'aide sociale, c'est des gens qui avaient une job, mais ils sont tombés malades puis ils avaient pas d'assurance travail où ils étaient. Dans leur emploi, ça peut être une personne qui était en affaires, qui a tout perdu à cause de peut-être une mauvaise décision ou des circonstances, et la personne se retrouve avec rien, sans filet de protection, puis ce qui reste au Québec, c'est l'aide sociale. Surtout, ils ont tellement coupé dans le chômage que les gens sautent par-dessus le chômage puis se retrouvent à l'aide sociale. Puis, 628 piastres, c'est comme choisir la misère à quelque part. Oui, là. C'est ça. C'est ça, on choisit pas ce mode de vie-là. Puis le mois de la demande, si t'as 100 $ là, il t'enlève 100 piastres. Si t'as plus que 887, t'es refusé, puis t'en reviens le mois suivant. Il faut que tu partes quasiment à zéro, là. OK. Ils attendent vraiment qu'on soit à zéro pour accepter. Oui, moi, ça m'est arrivé. J'avais travaillé un an et demi à la cafétéria Bois-Fontaine. Mm-hmm. Puis quand j'ai cessé de travailler, j'ai eu du chômage. Puis quand mon chômage a terminé, là, je savais que j'avais mon dernier chèque de chômage. Fait que je suis allée faire une demande d'aide sociale. Et la personne qui m'a rencontrée m'a demandé combien j'avais dans mon portefeuille. J'avais à peu près une cinquantaine de dollars, peut-être. La personne m'a dit, ben tu reviendras quand ton portefeuille sera vide. Ah. Répondu, aïe, aïe, aïe. Imaginez-vous comment moi je me suis sentie. J'ai sorti de là, j'étais en furie, j'avais envie de tout casser. J'étais en furie. Ben le côté, c'est pas la... Quand on arrive au centre local d'emploi, où, bon, ça s'appelle maintenant comme ça, avant c'était l'aide sociale, déjà, il faut piler sur notre orgueil pour aller là. Oui. Si en plus, la personne derrière le bon, que ce soit le comptoir, le guichet ou derrière le bureau, vous demande de vider votre portefeuille puis de savoir combien est-ce qu'on a, on doit se sentir déjà désabusé, là. À un moment donné, on doit se sentir humilié encore plus. Oui, tout à fait. J'ai pas trouvé ça agréable. Puis là, je lui ai même dit, j'ai dit, c'est pas quand j'aurai plus d'argent qu'il faut que j'en ai, je vais en avoir de besoin, là. Le premier, ça vient. J'ai un loyer à payer. J'ai des comptes à payer. Fait que j'étais comme angoissée. Quand je suis sortie de là, j'étais angoissée. Ah oui, tu sais, prenez un exemple. Quand on parle d'humiliation par rapport à faire une demande d'aide sociale, si t'es coloc puis tu signes pas le bail, faut que t'ailles voir le propriétaire qui te signe un papier comme quoi c'est vrai que t'habites là. C'est humiliant. Faut que t'ailles voir ton propriétaire pour lui dire que tu fais une demande d'aide sociale. C'est ça que ça veut dire. Je dirais, c'est super le fun, là. Puis c'est ça, dans faut t'épluche, on t'oblige... ce qu'on appelle à faire valoir tes droits. Mm-hmm. Tu me corrigeras si c'est pas le bon terme, là. Ça veut dire, par exemple, à la limite, tu pourrais être un jeune pourrait être obligé de cogner à la porte de ses parents à cause de ce qu'on appelle la contribution parentale. C'est beau, c'est le fun ça pour les parties de Noël, là. Tu sais, puis il y a toutes sortes d'affaires de même à l'aide sociale. C'est un système hyper contrôlant. Qu'on la dénonce. Contribution parentale, c'est quoi? C'est que si l'enfant n'a pas rempli certaines conditions, comme avoir un bac, avoir subvenu à ses besoins pendant 3 ans en restant en dehors de chez ses parents. Être enceinte. Avoir été père ou mère d'un enfant. Différentes questions comme ça. À ce moment-là, la contribution parentale s'applique. OK. Donc, un parent qui gagne 18-20 000 piastres, c'est la façon qu'ils font le calcul, c'est déjà plus que l'aide sociale. Donc, il faut qu'il paye pour leur enfant, même s'il a plus que 18 ans, c'est ça? Oui. OK. Mais s'il y a quand même... On n'en parle pas même, là, ça? Non, il y a quand même une façon de s'en sortir. Il faut que l'enfant, quand il va, faire la demande d'aide sociale... Et il donne une feuille à faire remplir par ses parents. Les autres, ils veulent avoir l'état des revenus des parents de l'année précédente pour faire le calcul. Parce que le ministère du Revenu ne communique pas ces revenus-là au ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Okay. Même si la ministre Courchaine avait comme tout de suite pour l'avoir, là, mais elle s'est cassé les dents là-dessus, elle aussi. Okay. Donc, si le parent ne le remplit pas, il fait une barre et il dit « Je refuse de subvenir aux besoins économiques de mon enfant » puis il signe ça. Le mois suivant, l'enfant doit à l'aide sociale. Okay. Mais c'est quand même... Le mot qui me laisse est crasse, là. Parce que là, l'agent va dire « Bon, ben là, tu vas me signer un papier comme quoi on va pouvoir aller chercher l'argent chez ton parent. » Mais c'est juste pour que l'enfant se désiste. Parce que le ministre de plein droit, lui, il peut agir au nom de l'enfant. Pour qu'il se désiste à demander de l'aide sociale? OK. Ça, c'est un moyen de pression, quoi? Oui, c'est... Ah, clairement. Oui. Puis souvent aussi, j'ai remarqué les parents qui disent « Mon enfant va pas à l'école, puis il veut aller sur l'aide sociale, tout ça. » Les parents qui sont instruits, habituellement, ils vont en faire la barbe, ils vont dire qu'ils veulent pas. Les parents d'une classe sociale plus basse, ils ont comme peur de l'État, à quelque part. Mm-hmm. C'est souvent les enfants des parents les plus fortunés qui réussissent à avoir l'aide sociale. C'est comme un non-sens. Attendez, là, je la comprends pas, celle-là. C'est quasiment les enfants des parents les plus fortunés qui réussissent à avoir de l'aide sociale. Parce que lui, un docteur, il n'a pas peur de l'aide un petit peu, mais un ingénieur non plus. C'est ce monde-là qui signe les papiers pour leurs enfants, qui ne remplissent pas. OK. On va prendre bientôt une pause, puis... De l'autre côté, j'aimerais ça qu'on parle, mais on va continuer du côté de l'aide sociale parce que c'est quand même une bonne partie. Je veux parler aussi des travailleurs, mais c'est quand même une bonne partie. Et puis, on vient de parler de l'aide à l'emploi aussi. Puis je veux savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas pour que... Y a-t-il quelque chose qui fonctionne pas dans toute la bureaucratie qui existe? C'est-à-dire, quand on est sur l'aide sociale, un exemple, ou sur le chômage, et qu'on fait toutes les étapes pour aller vers un emploi, pourquoi il y en a que ça fonctionne pas? Puis, j'ai l'impression qu'il y en a quand même plus qu'on pense que ça fonctionne pas. On prend une pause, puis on revient tout de suite. On est de retour à l'émission Les Différents. Mélanie Florent, toujours avec vous jusqu'à 10h. Et puis, je suis avec mes invités, Serge Petitclerc, analyste politique et porte-parole du collectif Pour un Québec sans pauvreté, Christian Loupret de l'Association de la défense des droits sociaux du Québec métropolitain, et Monique Toutant, qui est militante aussi pour l'ADDSQM. On parlait avant la pause de l'aide à l'emploi. J'aimerais ça savoir, est-ce que je me trompe ou ça me semble que ça n'a pas l'air à fonctionner? Est-ce que c'est une fausse impression vue de l'extérieur ou fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Les deux côtés. Bien, comme je disais tantôt à Serge, je lui disais que quand tu es une personne à l'aide sociale, déjà, tu n'as pas assez d'argent pour subvenir à tes besoins, pour te nourrir adéquatement ou t'habiller. Déjà là, ça fait déjà un obstacle en partant pour une personne qui veut retourner sur le marché du travail, par exemple. Puis quand tu n'as pas ces besoins-là, c'est difficile pour la personne d'aller, par exemple, à une entrevue si elle doit être habillée de façon particulière, par exemple. Mm-hmm. Puis le fait de ne pas pouvoir bien se nourrir, bien, la personne, parfois, ça va paraître dans son état d'être. Aussi, fait que ça lui fait des obstacles. Mais on parle... Les trous dans les CV. Les trous dans le CV. C'est ça, le aussi. Trou dans le CV, tout ça. On parle de la tenue vestimentaire. Ça a l'air de rien, là, mais c'est ça pareil aussi. Oui. Il y a autant pour le travail, admettons qu'on trouve un emploi de bureau, il faut quand même un pantalon noir. On les a pas toutes, les pantalons noirs, c'est quand ça. On vit cette situation-là. Puis des fois, on en a juste un, puis il va toffer toute la semaine. C'est souvent ça que vous entendez, je pense, sur le terrain aussi. Bien, ce qu'il faut comprendre, au-delà de l'aide à l'emploi, puis je vais quand même en parler, là, c'est que ce que je disais un peu plus tôt, c'est qu'il y a un lien entre les taux d'assistance sociale, les taux de chômage, c'est-à-dire l'activité économique. Je veux dire, il n'y a jamais eu aussi peu de personnes à l'aide sociale qu'aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que la situation économique va mieux que voilà une vingtaine d'années. Les taux les plus élevés au Québec qu'on a vus, c'était au milieu des années 90, au moment où, d'ailleurs, ils ont coupé beaucoup dans l'assurance chômage et où l'emploi disponible était moins bon. Aujourd'hui, il y a plus d'emplois disponibles. Bon, on pourrait parler de la qualité des emplois. Ça, c'est un autre sujet. Oui, ça, j'aimerais ça. Mais il en demeure pas moins que, comme il y a plus de personnes en emploi, il y a évidemment moins de personnes à l'aide sociale. Ouais. Et souvent, la présence à l'aide sociale n'est pas tant liée au fait que les mesures d'emploi sont bonnes ou mauvaises. C'est qu'il y a des emplois disponibles ou pas. Et si oui, il y a des mesures d'aide à l'emploi qui peuvent être meilleures que d'autres, il en demeure pas moins que une des difficultés qui se vit, puis on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est la question de la entre autres des diplômes. Il y a beaucoup de personnes. On revient au diplôme parce qu'il y a parce que c'est pas fait pour tout le monde, l'école. J'en ai déjà parlé dans une autre émission ici. Où est-ce que on se rend compte à un moment donné que c'est beaucoup des profils de gens qui sont plus entrepreneurs, par exemple, ou qui ont une facilité d'apprendre sur le terrain plus que sur un banc d'école. Il y en a qui il y en a qui sont TDAH, par exemple, qui vont le vivre. Le système n'est pas fait pour ces gens-là. Je me trompe-tu? J'aurais une autre vision. J'ai même vu cette semaine, la personne, elle travaille sur appel, puis elle reçoit de l'aide sociale. Donc, puis C'est compliqué. Elle est en train de me dire, ben, je pense que je suis aussi bien d'arrêter, puis il faut que je l'encourage, parce que c'est quand même bien qu'est-ce qu'elle fait, puis il y a quand même de, je ne nomme pas parce que c'est très spécifique, puis elle pourrait être reconnue, là. Non, non, on veut pas la mettre dans l'eau chaude, là. Mais, mettons, tu gagnes 400 piastres un mois, l'aide sociale t'enlève 200. Si le mois d'après, t'as le droit de gagner 200, le reste, il l'enlève. Une personne seule, oui, c'est ça. Elle doit gagner 200, le reste, il l'enlève à 100%. Mais si un mois, tu fais 500 piastres, il t'enlève 300, là, ils ont comme décidé que t'avais 300 de trop tout le temps. Faut toujours que tu cours après, c'est... Faut faire une déclaration, c'est ça? Puis tes talons te payent toujours 15 jours plus tard. Puis c'est vraiment ardu, puis plate qu'il y en a même qui abandonnent là-dedans. Oui, puis souvent, le marché du travail n'est pas adapté. Oui, peut-être que oui. Il n'est peut-être pas adapté pour certaines personnes types. Mm-hmm. Je vais prendre mon exemple. Comme moi, j'ai de la difficulté au niveau de la vitesse. Donc, si j'ai essayé d'aller sur le marché du travail, j'ai essayé dans différents domaines, puis c'est toujours la vitesse qui m'a fait une barrière. Moi, je prends mon exemple à moi, mais je sais qu'il y en a d'autres, c'est d'autres sortes de difficultés qu'ils ont. Puis souvent, c'est relié à des difficultés que les personnes ont qui fait que le marché du travail est plus difficile pour eux autres. Mm-hmm. Puis le marché du travail ne s'adapte pas à ces personnes-là. Non, donc, ça. Ne s'adaptant pas à ces personnes-là, ces personnes-là n'arrivent pas à se trouver un emploi. Oui, puis c'est bon exemple à Monique parce que oui. Ce qu'on voit, en fait, d'un deux dernières années, je regardais les... je disais tantôt que le nombre de personnes à cité sociale diminue année après année, puis ce qu'on a pu constater dernièrement, c'est que il rentre à peu près 80 000 personnes à l'aide sociale par année, il en sort à peu près 90 000 par année. Donc, ça veut dire que il sort plus de personnes de l'aide sociale qu'il en entre. Parce qu'on a souvent l'image que les personnes à cité sociale, c'est un groupe social, un certain nombre de personnes, puis que c'est toujours les mêmes personnes. Mm-hmm. C'est faux. Tu peux avoir des personnes qui se retrouvent à l'aide sociale pour de nombreuses années, sinon peut-être même leur vie. Mais il y en a aussi un grand nombre, ce sont des gens qui se promènent en différentes situations. Une personne peut avoir été au travail, se retrouver au chômage, se retrouver à l'aide sociale, se retrouver une job pendant un temps, la reperdre. Et les gens qui ont une capacité réelle à retourner sur le marché du travail, ben ces gens-là, leur durée à l'aide sociale n'est pas nécessairement très longue. Mm-hmm. Puis ça dépend aussi de ce qui se passe dans ta ville ou dans ta région en termes d'emploi, puis selon ton diplôme. Je veux dire, il y a vraiment un roulement qui peut être assez important à l'aide sociale pour beaucoup de personnes. Et ça, on n'entend pas nécessairement beaucoup parler. Parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain quand pour l'aide à l'emploi, pour se trouver un travail? C'est bien beau de dire, ben allez porter votre CV, mais est-ce qu'il y a une aide? Admettons qu'on travaille dans un domaine qui est pas très recherché ou qui nous manque certaines connaissances comme l'informatique. Ça peut être, par exemple, je donne cet exemple-là parce qu'on a de l'informatique partout maintenant, mais si on a toujours travaillé puis qu'on n'a pas eu de besoin, puis qu'on arrive, puis qu'on n'est pas fonctionnel, y a-tu de l'aide, y a-tu des cours d'appoint, qu'est-ce qui se passe dans ces locaux-là habituellement? Parce qu'il y a plus qu'un organisme là, qui aide à l'emploi. Oui, puis Emploi Québec, comme justement cette semaine, quelqu'un qui m'a appelé, quelqu'un de 45 ans, que Emploi Québec va y payer une attestation d'études collégiales en artiste 3D. Bon, mais ça fait ça en 20 ans, j'ai vu ça une fois. Je suis content pour lui aussi, là, il a 45 ans, puis il va quand même avoir une formation valable. Mais okay. C'est quand même rare, là. C'est un DEP ou... Non, ça dure un an et demi. C'est une attestation d'études collégiales. Artiste 3D. Bon, mais c'est vraiment rare. Parce qu'il là. Y avait déjà un bagage au départ, puisque c'est pour se mettre à niveau? Je sais pas le cheminement, comment il est arrivé. Okay. Il m'avait appelé juste pour savoir s'il y aurait une allocation en plus que son aide sociale. Mm-hmm. Bon. Mais c'est rare. Mais il peut avoir certaines aides comme ça. Là. Il peut aller aux études de finir au secondaire 5 aussi. Là. Mais il ne faut pas qu'il y ait déjà un diplôme. Parce que j'ai lu aussi, il ne faut pas que tu aies un diplôme. Ou est-ce que le niveau d'emploi, le niveau d'embauche est plus qu'acceptable? Il ne faut pas qu'il soit bon, ton milieu d'emploi. Non, si tu as déjà un diplôme, c'est déjà plus... Ou que tu aies une contrainte. C'est déjà plus dur. C'est déjà plus difficile si tu as un diplôme, oui. Fait que si tu as un diplôme, que ça te tente plus de travailler là-dedans, c'est sûr et certain. Oublie ça, faut que tu y ailles de tes propres moyens. Ça, c'est un peu compréhensible, là, quelque part. Mais encore là, si on peut plus travailler dans un secteur pour une raison médicale, que ce soit une raison physique ou psychologique, est-ce que dans ce cas-là, on peut être aidé ou qu'est-ce que vous entendez? Ben, c'est que l'objectif politique des gouvernements, c'est pas nécessairement que les gens sortent de la pauvreté, c'est mm-hmm. qu'ils sortent de l'aide sociale. Okay. Ils veulent que le taux d'assistance sociale diminue. C'est ça, leur objectif. C'est de sortir au plus vite. Oui. Okay. Comme les gouvernements veulent que les taux de chômage diminuent le plus possible, ils veulent donner le moins possible de prestations d'aide sociale au chômage. Donc, en chiffres, c'est beau, mais en réalité, c'est pas vrai. Là. C'est pas possible d'être à zéro là, ou pas loin du zéro. Non, évidemment, c'est tout simplement impossible. Mais mon point, le lien que je fais avec la formation à l'emploi, c'est que ce qu'on a vu dans les dernières années, en tout cas, moi, depuis que je... Parce que ça fait pas mal d'années qu'on est dans ce domaine-là, c'est que souvent, ce qui est privilégié, c'est des formations rapides pour que les gens se trouvent un emploi rapidement puis qu'ils quittent l'aide sociale. Mm-hmm. Je veux dire, dans la dernière année, avec toute la bataille sur Objectif emploi, le ministre en place nous a toujours dit, ben à les écouter, ça va être un pont d'or là maintenant, là, l'aide sociale. Il va y avoir des mesures de disponibles, on va être souple, on va envoyer les gens en formation, en alphabétisation, on va régler le problème. C'est pour ça que je vous amène là-dessus, là, c'est ben, ça. Ben, c'est parce que ce qu'on a vu, en tout cas moi quand je travaillais dans des groupes de base, mais ce que les gens nous disent dans les organisations qui sont membres du collectif, puis c'est la même chose avec ceux qui sont membres du Fonds commun des personnes à la Cité sociale du Québec. Ce que les groupes disent, c'est que les gens, ils ont de la difficulté. C'est difficile maintenant juste avoir accès à quelqu'un, à parler à une personne, à un être humain dans un centre local d'emploi. Il y a des régions qu'on a fermé des centres locaux d'emploi et il faut faire des demandes par visioconférence, envoyer ça par courrier, par courriel. Ça devient très compliqué. Avant 2007, je ne me trompe pas, il y avait ce qu'on appelait la rencontre d'attribution initiale ou quelque chose de même. Dans le fond, tu étais obligé de rencontrer un agent pour déposer une demande d'aide sociale. C'est plus nécessaire maintenant. Donc, tu rencontres personne. Comment peut-on t'offrir une possibilité de retourner sur le marché du travail ou de retourner aux études si tu ne peux même pas rencontrer quelqu'un? Mm-hmm. Et quand on interroge les centres locaux d'emploi, pas les centres locaux d'emploi, mais les attachés politiques, puis les politiques... Les gens qui s'occupent des politiques au ministère nous disent « Ben non, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème dans les autres locaux d'emploi. Oh, des mesures, il y en a en masse. C'est illimité les mesures. » Mais c'est pas vrai. Non. Ils ont des quotas à l'interne, mais ils n'en parlent pas. Tu sais, on se souvient, il y a une couple de mois, il y avait eu un scandale avec le programme IVAC. IVAC, là, c'est pour les victimes d'actes criminels. Ouais. Ils disent « Ben non, il n'y en a pas de problème. C'est illimité, c'est directement lié au fond des gouvernements, fait qu'il n'y a pas de limite, mais on sait très bien qu'il y a des obstacles à l'intérieur de ces organisations-là, comme à l'aide sociale. C'est la même affaire pour les accidentés du travail, c'est la même affaire pour l'assurance chômage. Les procédures sont longues. Les normes du travail. Ben, les procédures sont longues et on considère les demandeurs comme de potentiels fraudeurs. C'est ça qu'il y a à l'intérieur. Et dans les centres locaux d'emploi, je suis sûr que les gens, les fonctionnaires qui sont là, c'est des gens qui sont en général de bonne foi. Oh ouais. C'est pas ça le problème, mais ils ont des directives. C'est ça, ils ont vraiment un quota à respecter, comme vous dites. Ils ont une façon de faire qui est dictée aussi par les ministères. C'est quand le but, c'est de faire en sorte que les gens qui arrivent chez toi, faut qu'ils sortent de l'aide sociale. Ouais. Fait que tu vas pas lui proposer de retourner aux études. Écoutez, en alphabétisation, Monique pourra en parler, là, mais ce que les gens qui sont en alpha nous disent, c'est qu'un processus d'alphabétisation, ça peut prendre 7 ans. Oui. On va renvoyer quelqu'un en alphabétisation pendant 7 ans. C'est pas performant, ça, pour un centre local d'emploi. Et puis, il y a des méthodes de gestion maintenant, là. C'est ça, en santé, en éducation, dans tous les ministères. Ouais. C'est la performance. Il faut être performant. Donc, il faut que les gens quittent l'aide sociale. Donc, il faut des formations rapides. Monsieur Petitclerc. Excusez, je suis choquée. J'avais lu... Non, ben je me sens pas... Vous êtes passionné, moi je dirais. OK, on va dire ça. Il y a, ben, vous m'amenez sur un point parce qu'il y a un an, à la commission parlementaire chargée d'étudier le projet de loi 70, puis on va en parler aussi de où est-ce que c'est rendu la loi 70, vous avez rencontré le ministre du Travail, de l'Emploi, Solidarité sociale. De l'époque, voyons, désolée, j'ai un petit problème de micro, qui était sa maman il y a un an. Maintenant, c'est M. Blais, si je ne me trompe pas. Puis, vous avez mentionné que ceux qui avaient des situations précaires à l'emploi, qui ne pouvaient pas travailler rapidement, qui ne pouvaient pas aller sur le marché de l'emploi rapidement, ben ils seraient, puis je cite ce qu'il avait dit, ils seraient outillés et dirigés vers les organismes pour les aider à se prendre en main, mais c'est justement, ça prend du temps, ça. Comment, est-ce que, par exemple, le projet de loi 70, parce que c'était pour ça que vous aviez été, comment on aide réellement, encore là, on revient à l'aide à l'emploi, c'est sûr, là, mais est-ce que ce qui entoure, là, on parle de situations qui sont précaires, de troubles, admettons, de santé psychologique, un exemple, on prend ça. Comment on les aide réellement? Puis qu'est-ce que ce projet de loi-là serait... parce que vous m'avez amené là-dessus, puis j'avais déjà la question pour vous. Ben c'est que... la... C'est-tu vrai? Ou c'est-tu... Ce qui est drôle là-dedans... C'est bien dit? Ben c'est que ce qui est un peu paradoxal, sinon hypocrite, de la part d'un ministre comme Sam Ahmad, c'est que on nous fait d'un côté miroiter l'importance de soutenir les gens. Oui, il faut que les gens retournent dans l'aide à l'emploi. Il faut que les gens soient en lien avec des organismes. Mais c'est le même gouvernement qui a aboli des programmes, qui a fait des coupures dans l'aide à l'emploi. Les organismes sont allés devant le ministre lui dire, nous, on a des listes d'attente parce qu'on manque de financement. Et il y a eu des coupures dans le communautaire aussi. Il y a eu des coupures où il y a eu des non-indexations. On est en lien avec des organisations qui se sont fait dire, écoutez, vous aviez, je sais pas, au moins 20 personnes sur vos plateaux de travail. Maintenant, vous allez en avoir juste 5. Parce que, bon, mais l'affaire, c'est que il faut être cohérent. Il faut être cohérent, puis il y a un manque de cohérence au niveau du gouvernement, parce que d'un côté, on dit aux gens, allez vers l'aide à l'emploi, et de l'autre côté, ils coupent. Et puis, un autre des arguments qu'on met de l'avant, OK, c'est bien beau, oui, parfait, il faut que la personne, elle se trouve un emploi. Bon, ben trouver un emploi, c'est-à-dire qu'on veut qu'elle sorte de la pauvreté. Ben pourquoi vous n'améliorez pas le salaire minimum, puis vous n'améliorez pas les normes minimales du travail? Dire, ça va ensemble. C'est pour ça qu'on s'est battu, là, une vingtaine d'années, le collectif qu'on était mis sur pied, on était là comme militants, toutes les trois, je pense. On s'est battu pour l'idée qu'il y ait une loi pour éliminer la pauvreté au Québec, qui allait faire en sorte qu'on est encore dans une autre bataille contre une réforme de l'aide sociale, où ce qu'on disait, il faut de la cohérence. Il faut travailler, quand on parle de lutte à la pauvreté, il faut travailler en même temps, avec une même logique puis une même cohérence, sur le soutien du revenu, le marché de l'emploi, les normes minimales du travail, les retraites. Écoutez, c'est ce même gouvernement-là qui refuse, qui veut obliger des personnes à aller sur des mesures d'aide à l'emploi sous peine d'avoir des coupures puis de se retrouver avec un chèque d'autour de 400$. C'est ce même gouvernement-là qui, en même temps, refuse de hausser le salaire minimum jusqu'à 15$, donc qui dit qu'on va laisser les gens dans la pauvreté même s'ils ont un job. C'est ce même gouvernement-là qui a refusé de travailler avec les autres provinces puis le fédéral pour améliorer les régimes publics dans pension, pour en créer un au Québec qui va être encore pire que dans les autres provinces. Je veux dire, ils font de la lutte à la pauvreté, mais à l'envers. Salaire minimum à 15$, vous m'amenez à... Je me pose une question, puis je pense pas être la seule à me poser cette question-là. Si on augmente le salaire minimum à 15$ l'heure, vous avez pas peur que le gouvernement aille le chercher d'une autre manière en haussant, mettons, Hydro-Québec, en haussant des taxes? Est-ce que vous avez pas peur pour qu'il y ait... Puis au bout de la ligne, qu'on arrive à peu près à ce qu'on a présentement, ou peut-être même pire, à ce qui nous reste dans nos poches? Bien, c'est l'argument classique des employeurs et des gouvernements pour ne pas agir. Je veux dire, à travers les époques, lorsqu'il y a eu... Autrement dit, leur argument, c'est on va augmenter les taxes. Si c'est des campagnes de peur, ça. C'est des campagnes de peur à travers les époques, au Québec comme partout ailleurs dans le monde. lorsqu'on a augmenté les salaires, ça finit par améliorer les conditions de travail des travailleurs et des travailleuses, surtout des plus pauvres. Je veux dire, à les écouter, il faudrait jamais rien faire parce que ça va coûter trop cher. Et ça, ça vient de la parole de personnes qui ont de très bons salaires par ailleurs. Oui. Alors, c'est un peu insultant pour les travailleurs et les travailleuses en situation de pauvreté. Et on laisse entendre aussi, par exemple, que si on augmente les salaires, parce faire passer un salaire de 10,75 à 15 $ de l'heure ou de 11,25, c'est à peu près une hausse de 40%. Mm-hmm. On laisse entendre, ah, les prix de la bouffe dans les épiceries, ça va augmenter de 40%, l'essence va augmenter de 40%, ils vont augmenter les tarifs d'hydro de 40%. C'est juste pas vrai. Mm-hmm. Je veux dire, quel est le part du prix d'un produit qui est lié au salaire de la personne. Écoutez, les entreprises, exemple, une station d'essence, là, faut que ça jette l'essence, il faut que ça paye son loyer, il faut que ça paye son terrain, il y a des factures d'électricité. Dans une entreprise, oui, il y a peut-être des travailleurs au salaire minimum, mais il y a aussi des gestionnaires, il y a des cadres, il y a des actionnaires. Il y a une des dépenses d'une entreprise, c'est quoi? C'est le taux de profit. Que le boss se met dans les poches, ça fait partie des dépenses d'une entreprise. Alors quand on fait une espèce d'association en disant le salaire du monde va augmenter, tout va augmenter, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Il y a des études qui se sont faites aux États-Unis pour montrer qu'une hausse importante du salaire minimum, oui, ça va faire en sorte d'augmenter un peu le prix des produits, mais ça sera pas une catastrophe. Mm-hmm. Comme on nous le présente. Ça va augmenter, mais pas autant. Mm. Ben c'est non, ce que vous amenez. Non. En Colombie-Britannique, au début des années 2010, le salaire minimum, il a bondi dans l'affaire comme d'à peu près 20%. Il a fait un rattrapage assez majeur. Ils sont passés genre d'autour de 8 $ de l'heure à 10 $ de l'heure. Fait que ça a augmenté de 2 piastres, là, d'une shot. Ça paraît aussi. L'Institut Fraser, qui est un peu notre Institut économique de Montréal, mais version fédérale, ils nous ont dit... Ils ont dit à ce moment-là, chez les jeunes ados, hey, ils allaient se perdre d'une affaire comme 16 à 20% des emplois vont disparaître. Qu'est-ce qui est arrivé dans la réalité? C'était autour de 1 à 2%. Puis ça s'est résorbé par la suite. Pourquoi? Ben, parce que les employeurs ont besoin de leurs employés. Mm-hmm. Ça me fait penser, Serge, c'est à peu près la même chose quand on parle du revenu social universel garanti. Ben oui. C'est la même chose. On dit que ça va, les choses vont augmenter, oui. Puis ça va. Même argument. Ouais. Parce que la vie, c'est plus compliqué que ça. Puis à un moment donné, les entreprises s'adaptent, ouais, à devoir payer le. Parce que sinon, le message qu'on envoie, là, c'est que la seule façon de faire fonctionner un certain type d'entreprise, c'est de maintenir leurs travailleurs en situation de pauvreté. Leurs travailleurs puis leurs travailleuses. Puis ça, en tout cas, d'un point de vue de droits humains, c'est juste pas acceptable. Ben, parlant des droits, le droit au service de santé, on parle, tout le monde, la semaine passée, avec le Belle Cause pour la Cause, tout le monde parlait d'augmenter les droits à un psychologue, par oui. exemple. Oui. Ça, là, c'est en réalité, c'est pas le cas. C'est encore très cher. Rencontrer un psychologue, c'est quoi? C'est entre 80... Je lisais sur l'ordre des psychologues, c'est quoi? C'est entre 90 et 130 de l'heure. Faut-tu être riche pour faire une dépression? Non, faut pas être riche. Non, mais c'est parce que ça... Être en situation... Vivre une situation... Ben, oui, c'est ça. Vivre une situation de pauvreté amène des troubles, un trouble au niveau de la santé psychologique parce que ça, on a de la pression, tout ça. À ce que je lis, à un moment donné, si on n'a pas d'aide, qui est une aide psychologique ou une aide thérapeutique, parce que ça n'a pas l'air à fonctionner avec les CLSC puis les listes d'attente qui sont jusqu'à quoi? C'est un an environ? Ah, c'est très long. Pour avoir un 10 semaines d'aide. C'est ça. Puis tu n'as pas toujours accès à ces services-là non plus, dépendamment de ta situation financière, que je mets entre guillemets, parce que quand tu es une personne à l'aide sociale, par exemple, si tu as un problème de dos puis que tu dois avoir des soins de chiro, tu peux même pas. Non, c'est impossible. Tu peux même pas parce que tu peux pas te le permettre, de un. Puis deux, l'assurance médicale te le permet pas non plus. Fait que souvent, les gens... qui sont à l'aide sociale tombent malades parce que de semaine en semaine, de mois en mois, ils se cassent la tête pour essayer de survivre. Puis à un moment donné, ben c'est ce qui arrive. OK. C'est que c'est un droit. C'est un droit qui devient théorique. C'est un droit qui devient théorique. De l'accès à la santé, par exemple, ou l'accès à l'éducation. Il faudrait que je vous réinvite. Ce que ça prendrait en réalité, ce serait un revenu social universel garanti. C'est ça que ça prendrait pour que la société soit heureuse, en santé et contente, puis que tout le monde ait sa juste part. Ça aiderait en tout cas à faire rouler l'économie, ça c'est sûr et certain. Les gens qui sont heureux vont dépenser plus, vont encourager plus les commerces, vont encourager plus le commerce local aussi. Oui, ça, tout c'est à fait. Je sors pas ça là, de n'importe où. Là. Ben, on dit alors, toujours. C'est la logique. Puis il y aurait leur survie d'assurer. Donc ça permettrait qu'ils pourraient aller dans ce qu'ils aiment. Puis comme ils aiment ça, ben, ça ira bien, puis ça réussirait. Ils pourraient peut-être même partir des entreprises. Oui, puis dans le fond... ça serait bien, oui. Non, mais c'est parce qu'on dit toujours que combattre la pauvreté... Ben oui. C'est qu'on dit toujours que combattre la pauvreté, ça coûte cher. Mais ce qu'on parle jamais, puis ce qui est irresponsable de la part des gouvernements, souvent, c'est que la pauvreté elle-même a un coût. Ben oui. Un coût humain, mais un coût aussi économique. C'est des milliards de dollars juste en santé. Les directions de santé publique n'arrêtent pas de le dire. Il y a peut-être de 20 à 25 % des frais de santé qui sont liés directement à la pauvreté. C'est beaucoup d'argent. On évalue que, selon moi, les dernières études que j'avais vues, c'était plus autour de 2008-2009, là, mais on disait que les coûts sociaux de la pauvreté, c'est-à-dire les coûts dans les dépenses gouvernementales, c'était de l'ordre de 5 à 6 milliards de dollars. Tu sais, quand on parle d'un budget étatique à l'époque qui était autour de 70-80 millions, tu sais, c'était pas loin de 10 % des budgets de l'État, dans le fond, qu'on dépenserait parce qu'il y a des taux de pauvreté aussi élevés. Je dirais, il y a comme une logique déficiente là-dedans. Puis il y a 7 ans d'espérance de vie de différence. De moins? Oui, donc imagine. T'as puis tu vis en moins bonne santé en plus. Et en moins bonne santé, oui. Ça comme pas de sens. J'aurais tellement aimé parler de plein de choses, du logement, je sais... Je sais, madame, tout le temps, vous vouliez parler du logement. On arrive à la fin de l'émission. OK. Va falloir que je vous réinvite encore. Mais une heure, on n'a jamais assez aux différents parce que je pense que les sujets sont... Puis vous êtes des enflammés à matin. Merci. Des enflammés passionnés. Ben oui, puis c'est correct. Puis, mais je vais quand même mettre les liens pour vos sites Internet parce qu'il y a je vais mettre ça sur la page Facebook, les différents, parce qu'il y a beaucoup de ressources. Je voulais aborder aussi le sujet, par exemple, de comment répondre à quelqu'un quand on se fait, entre parenthèses, ramasser parce qu'on est pauvre. Quoi répondre, tout ça, là, ça, c'est... Il y a des préjugés qu'il faut continuer. Puis, écoutez, je vais mettre toutes les informations, les listes des préjugés, ces choses-là, à partir de vos sites Internet, sur ma page, les différents. Serge Petitclerc, Christian Louprey, Monique Toutant, merci à vous trois d'être passés à l'émission. C'est vraiment apprécié, puis je pense qu'il faut continuer d'en parler, puis je vais vous réinviter, c'est sûr et certain. Moi, je réinvite tout le monde. Puis... Mais parler de pauvreté, c'est que ça touche tout le monde, puis personne n'est à l'abri. Effectivement. Donc, c'est ça, je pense qu'il faut qu'on se rappelle que personne n'est à l'abri d'une bad luck à un moment donné. Merci à beaucoup. Vous. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour moi. Puis, en terminant, j'aimerais ça parler d'un mandat que les différents ont. C'est de parler des différences humaines et sociales de toutes les sortes. C'est de parler aussi des tabous, de l'exclusion et des préjugés. Et puis, semaine après semaine, j'essaie de faire connaître des réalités, faire réfléchir et démontrer que la différence, ça fait pas de mal à personne, puis qu'au fond, on est tous des différents à notre manière. Cette semaine, malheureusement, on a vu qu'il y a le résultat de la peur, de la différence, qu'est-ce que ça peut faire. J'ai pas envie de commenter ce qui est arrivé à la mosquée de Québec, mais... juste pour dire que je suis en pensée avec les gens qui vivent ce drame-là. Donc, écoutez, les différents, habituellement, je vous dis, essayez quelque chose de différent, mais cette semaine, je vous dis, soyez vous-même, soyez votre différence. Bye-bye.